Le berger et la mer. Fable numéro 2 des Fables de La Fontaine, livre 4e. Enregistré pour LibriVox.org par Jean Lambert. Le berger et la mer. Du rapport d'un troupeau dont il vivait sans soin, se contenta longtemps un voisin d'Amphitrite. Si sa fortune était petite, elle était sûre tout au moins. À la fin, les trésors déchargés sur la plage le tentèrent si bien qu'il vendit son troupeau, trafiqua l'argent, le mit en entier sur l'eau. Cet argent périt par naufrage. Son maître fut réduit à garder les brebis, non plus berger en chef, comme jadis, quand ses propres moutons paissaient sur le rivage. Celui qui s'était vu Coridon ou Tircis fut Pierrot et rien davantage. Au bout de quelque temps, il fit quelques profits, racheta des bêtes à laine. Et comme un jour les vents, retenant leur haleine, laissaient paisiblement aborder les vaisseaux, « Vous voulez de l'argent, ô mesdames les eaux ? » dit-il. « Adressez-vous, je vous prie, à quelque autre. Ma foi, vous n'aurez pas le nôtre. » Ceci n'est pas un conte à plaisir inventé. Je me sers de la vérité pour montrer, par expérience, qu'un sou, quand il est assuré, vaut mieux que 5 en espérance. Qu'il se faut contenter de sa condition. Qu'au conseil de la mer et de l'ambition, nous devons fermer les oreilles. Pour un qui s'en louera, 10 000 s'en plaindront. La mer promet monts et merveilles. Fiez-vous-y, les vents et les voleurs viendront. Fin de la fable numéro 2 Le berger et la mer. Cet enregistrement fait partie du domaine public.